Osée chapitre 12. Ephraim a abordé avec des mensonges, et la maison d'Israël avec des tromperies, lorsque Juda dominait encore avec le Dieu fort, et qu'il était fidèle avec les saints. Ephraim se repaît devant, et va après le vent d'Orient, il multiplie tous les jours ses mensonges et le dégât, et il traite alliance avec la Syrie, et l'on porte des huiles de senteur en Égypte. L'Éternel a aussi un procès avec Juda, et il visitera Jacob selon son train, il lui rendra selon ses œuvres. Dès le ventre il supplanta son frère, puis par sa force il fut vainqueur en luttant avec Dieu. Il fut vainqueur en luttant avec l'ange, et fut le plus fort, il pleura, et lui demanda grâce, il le trouva à Bethel, et là Dieu parla avec nous. Or l'Éternel est le Dieu des armées, son mémorial, c'est l'Éternel. Toi donc, retourne-toi à ton Dieu, garde la miséricorde et le jugement, et continuellement espérance en ton Dieu. Ephraim est un marchand, il y a en sa main des balances trompeuses, il aime à faire des extorsions. Et Ephraim a dit, quoi qu'il en soit, je suis devenu riche, je me suis acquis des richesses, pas un de mes travaux ne feront trouver en moi une iniquité qui soit un péché. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter dans des tentes, comme au jour de fête solennelle. Je parlerai par les prophètes, et multiplierai les visions, et je proposerai des similitudes par le moyen des prophètes. Certainement Galaad n'est qu'iniquité, certainement ils ne sont que vanité, ils ont sacrifié des bœufs en Gilgal, même leurs autels sont comme des monceaux sur les sillons des champs. Or Jacob s'enfuit au pays de Syrie, et Israël servit pour une femme, et pour une femme il garda le bétail. Puis l'Éternel fit remonter Israël hors d'Égypte par le prophète, et il fut gardé par le prophète. Mais Ephraim a provoqué Dieu à une amère indignation, c'est pourquoi on répandra son sang sur lui, et son Seigneur lui rendra son opprobre.